France Musique. All That Jazz. Aujourd'hui, Billie Holiday, chanteuse d'orchestre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le 22e épisode de cette émission d'Histoire du Jazz. Aujourd'hui, nous ouvrons le premier chapitre d'un feuilleton de 4 émissions consacrées à Billie Holiday, dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance. Billie Eleonora, de son vrai prénom, était la fille de Clarence Holiday, guitariste de jazz, connu pour avoir joué au sein de l'orchestre de Fletcher Henderson notamment. Clarence n'avait que 17 ans à la naissance de sa fille, en avril 1915 à Baltimore. Quant à la mère, elle était encore plus jeune. Précipitée tout aussi jeune dans le grand bain de la vie et de la musique, Billie Holiday chantait déjà dans des lieux spécialisés à l'âge de 15 ans, selon certains témoignages, et l'on sait que le producteur John Hammond l'a repérée dès le début de l'année 1933 à Harlem. Elle avait à peine 18 ans, et c'est par son intermédiaire que le clarinettiste Benny Goodman est allé l'écouter. C'est précisément sous le nom de Goodman que la jeune chanteuse enregistre ses premières faces. Elle y tient le rôle d'une chanteuse d'orchestre, n'intervenant que de manière parcimonieuse au milieu des autres musiciens de la séance, et la chanson qu'elle interprète ici ne possède rien d'extraordinaire, mais on remarque déjà le naturel de sa mise en place, la spontanéité de son interprétation. Billie Holiday ne semble nullement impressionnée par le contexte qui la met en présence tout de même de Benny Goodman à la clarinette, de Jack Teagarden au trombone, de Charlie Teagarden à la trompette, pour ne citer que les solistes. Nous sommes à New York le 27 novembre 1933. Thank you. Your Mother's Son-in-Law, chanté par Billie Holiday, My Mother's Son-in-Law. C'était les débuts phonographiques d'une jeune chanteuse de 18 ans dont la carrière s'étalera jusqu'à la fin des années 50, puisque Billie nous a quittés à l'âge de 44 ans en 1959. On peut distinguer plusieurs périodes dans ce quart de siècle. Nous consacrerons donc 4 émissions à cette grande figure. La première, celle qui nous intéresse aujourd'hui, voit l'éclosion d'une personnalité au sein des petites formations. Ici, il s'agissait de Benny Goodman. Tout à l'heure, nous la suivrons au cœur des combos réunis par le pianiste Teddy Wilson. Mais dans les années 30, bien sûr, les chanteurs et les chanteuses sont très demandés par les grandes formations. Billie Holiday n'a que 19 ans lorsqu'elle enregistre à l'automne 1934 en compagnie de l'orchestre de Duke Ellington pour un court-métrage Symphony in Black qui sera filmé quelques mois plus tard. Et c'est à Billie que revient de chanter ce blues écrit évidemment par Ellington qui met en valeur également le clarinettiste Barney Bigard, le tromboniste Tricky Sam Nanton, l'altiste Johnny Hodges, le trompettiste Cootie Williams et au timbal, dans la conclusion, le batteur Sonny Greer. Les éléments de son style sont en place. Son timbre doux unique, le remodelage du rythme des paroles pour tirer le maximum de force expressive des mots, les petits glissando, inflexions et autres appoggiatures au moyen desquels elle altère et par là même accentue certains mots et certaines notes, une pulsation et un swing implicite que l'on ressent profondément malgré sa liberté rythmique et sa diction directe que l'absence de sentimentalisme rend d'autant plus poignante. Voici ce qu'écrit Gunther Schuller dans son livre Swing Era à propos de ce blues de Duke Ellington gravé par Billie Holiday à l'âge de 19 ans en 1934 pour le court-métrage Symphony in Black que je vous engage à aller voir sur la toile. Vous trouverez d'ailleurs un lien sur le site de l'émission. L'année 1934 est donc pour Billie Holiday celle de la révélation. Elle se fait repérer en chantant dans plusieurs établissements qui ont pignon sur rue, ce qui lui vaudra un engagement à l'Apollo de Harlem au printemps 1935. Elle a tout juste 20 ans et c'est également à ce moment-là qu'elle enregistre pour la première fois avec le pianiste Teddy Wilson qui lui confie un rôle de soliste de choix au sein de ses petites formations qui constituent autant de All-Stars de l'époque. Ici par exemple, Benny Goodman tient la clarinette et Roy Eldridge la trompette. Mmh. wished on a star and asked for a dream or two. I look for every loveliness, it all came true. I wished on the moon for you. I Wish on the Moon, le nonette de Teddy Wilson avec Roy Eldridge à la trompette, Billy Goodman à la clarinette et bien sûr Billie Holiday le 2 juillet 1935. Au cours de la même séance, Billy fait preuve de son abattage sur un tempo plus rapide qui met encore mieux en valeur le jeu limpide, élégant et inspiré du chef d'orchestre au piano et qui permet aussi de mieux écouter un autre soliste en plus de Benny Goodman et de Roy Eldridge, le saxophoniste ténor Ben Webster. Et pourtant, la chanson elle-même ne casse pas trois pattes à un canard. Cela s'appelle « What a little moonlight can do ». A Little Moonlight Can Do, le petit orchestre du pianiste Teddy Wilson le 2 juillet 1935 avec Ben Webster au ténor, Benny Goodman à la clarinette et Roy Eldridge à la trompette et puis bien sûr Billie Holiday en soliste. Il faut citer aussi la magnifique section rythmique avec le guitariste John Trueheart, le contrebassiste John Kirby et le batteur Cozy Cole. Quelques jours plus tard, le swing est encore plus prégnant sur ce petit arrangement réalisé par Teddy Wilson sur une autre chansonnette, What a Night, What a Moon, What a Girl, féminisée bien sûr par Billy en What a Night, What a Moon, What a Boy. Les solistes sont l'altiste Hilton Jefferson, le clarinettiste Cecil Scott et de nouveau le pianiste Teddy Wilson, le trompettiste Roy Eldridge et le ténor Ben Webster. What a night, what a moon, what a girl, un petit bijou ciselé par le pianiste Teddy Wilson, maître d'œuvre incomparable de ces petites formations qui constituent des trésors pour apprécier la première période de Billie Holiday. J'en distille ici que quelques perles, toutes les séances sont quasiment de la même eau. On comprend que Billie réunisse dès la fin de l'année 1935 un public d'admirateurs de plus en plus nombreux. Sur le plan professionnel, elle signe avec un agent célèbre, Joe Glazer, qui gère les affaires de Louis Armstrong. Les relations entre Billie et Glazer connaîtront quelques avatars, on s'en doute. En parallèle, la chanteuse continue de prêter sa voix aux séances de Teddy Wilson. Celle du 25 octobre 1935 lui offre notamment une belle ballade, If You Were Mine, où elle partage le studio avec le tromboniste Benny Morton, le saxophoniste Chu Berry et de nouveau le trompettiste Roy Eldridge. could be a ruler of kings. And if you were mine, I could do such wonderful things. I'd say to the star, stop where you are, light up my lover's way. And every star above you would obey. Say, if you were mine, I would live for your love alone. To kneel at your shrine, I would give up all that I own. Yes, even my heart, even my life, I'd trade it all for you. And think I was lucky too, if you were If You Were Mine, Billie Holiday, le 25 octobre 1935, avec Teddy Wilson au piano, Roy Eldridge à la trompette, Benny Morton au trombone, Chuck Berry au ténor, Dave Barbour à la guitare, John Kirby à la contrebasse et Cozy Cole à la batterie. Les mots de Gunther Schuller que j'ai cités tout à l'heure mettaient magnifiquement l'accent sur les procédés propres au phrasé de Billie Holiday et à leur originalité, mais ils oubliaient une dimension, la manière dont elle réinvente la phrase mélodique, souvent en s'approchant de la scansion parlée. C'est tout à fait marquant sur la première phrase de cette magnifique version de These Foolish Things, gravée en juin 1936, toujours sous la direction de Teddy Wilson, en compagnie de quelques invités ellingtoniens, comme le baryton Harry Carney et l'altiste Johnny Hodges. Somehow this had to be. telephone that rings, but who's to answer? Oh, how a ghost of you clings. These foolish things remind me of you. These Foolish Things, gravé le 30 juin 1936 par un petit orchestre réuni autour de Teddy Wilson. En soliste, Teddy Wilson au piano, Harry Carney au baryton, Billy Holiday bien sûr, Johnny Hodges à l'alto et Jonah Jones à la trompette. France Musique. Vous écoutez All That Jazz, aujourd'hui Billie Holiday, chanteuse d'orchestre. Nous arrivons à l'été de l'année 1936. Billie prend son envol en enregistrant désormais le plus souvent sous son propre nom et non plus comme invitée de l'orchestre du pianiste Teddy Wilson. Elle s'approprie ici un succès très récent tiré de l'opéra de George Gershwin Porgy and Bess, créé l'année précédente en 1935. Un thème promis à un bel avenir comme standard de jazz, Summertime. Billie est en belle compagnie avec le trompettiste Bonnie Berrigan et le clarinettiste Artie Shaw. Cotton is high. Oh, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're going to rise up singing, then you'll spread your wings and you'll take the sky. But till that morning, never nothing can harm you. With daddy and mammy standing by. Summertime, gravé par l'orchestre de Billie Holiday, avec notamment Bonnie Berrigan à la trompette et Artie Shaw à la clarinette. Pour la même séance du 10 juillet 1936, Billie signe elle-même ce blues sobrement intitulé Billie's Blues, qui contraste violemment avec les chansons populaires qui figurent d'ordinaire au programme de ces séances. Thank you. Billie's Blues, Billie Holiday signe ce titre qu'elle enregistre sous son nom le 10 juillet 1936 en compagnie du trompettiste Bunny Berrigan et du clarinettiste Artie Shaw. L'année 1937 sera déterminante pour la carrière de la chanteuse, notamment parce qu'elle y enregistre pour la première fois avec celui qui reste à jamais son alter ego de cœur, le saxophoniste ténor Lester Young. Billie et Lester se connaissaient depuis plusieurs années, depuis 1934, et ils ont l'un pour l'autre une sorte de respect et d'intimité qui se ressent profondément dans leur œuvre commune. Lui, il la surnomme Lady Day, elle l'appelle Prez pour saluer son élégance présidentielle. La beauté de leur dialogue éclate dès la première séance où ils sont réunis par l'entremise de Teddy Wilson, qui a eu la bonne idée de convier en studio quelques membres de l'orchestre de Count Basie. Nous sommes en janvier 1937. My heart is broken, it won't ever mend. I ain't much caring just where I will end. I must have that man. I'm like an oven that's crying for heat. He treats me awful each time that we meet. It's just unlawful how that boy can cheat. But I must have that man. He's hot as Hades. A lady's not safe in his arms when she's kissed. But I'm afraid that he's cooled off, and maybe I'm ruled off his list. I'll never be missed. I need that person much worse than just bad. I'm half alive and it's driving me mad. He's only human if he's to be had. I must have that man. I Must Have That Man, l'orchestre de Teddy Wilson avec Billie Holiday et Benny Goodman, plus quelques membres de l'orchestre de Count Basie, le trompettiste Buck Clayton, le ténor Lester Young et la rythmique de Basie mais sans Basie au piano, le guitariste Freddie Green, le contrebassiste Walter Page et le batteur Joe Jones. C'était le 25 janvier 1937. À partir de la mi-mars, Billie retrouvera ces mêmes musiciens puisqu'elle est engagée au sein de la formation de Count Basie. On y reviendra un petit peu plus tard dans cette émission, mais cela ne l'empêche nullement de continuer à enregistrer sous son propre nom, avec une manière de plus en plus personnelle. Écoutez la façon dont elle allonge les syllabes des paroles de cette chanson des frères Gershwin, « They can't take that away from me ». Away. haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Can't Take That Away From Me, Billie Holiday avec Buster Bailey et la clarinette notamment. C'était le 1er avril 1937. Quelques semaines plus tard, Billie retrouve son cher Lester Young au cours d'une belle séance, une fois encore dirigée par Teddy Wilson. C'est un véritable festival d'intervention des solistes. Lester Young en tête au ténor, mais aussi l'altiste Johnny Hodges qui joue derrière la voix de Billie, sans oublier l'élégance de Teddy Wilson au piano et l'à-propos du trompettiste Buck Clayton. Whenever somebody is near, dear, it must be great fun to be mean to me. You shouldn't, for can't you see what you mean to me? To Me, l'orchestre de Teddy Wilson, le 11 mai 1937, avec Buck Clayton à la trompette, Buster Bailey à la clarinette, Lester Young au saxophone ténor, Johnny Hodges au saxophone alto et bien sûr Billie Holiday. La même recette fonctionne aussi bien sur un tempo plus retenu. Le 1er juin de la même année, Billie retrouve le clarinettiste Buster Bailey et le pianiste Teddy Wilson en compagnie des magnifiques musiciens de Count Basie. Il y a Buck Clayton à la trompette, Lester Young de nouveau au ténor et la fameuse section rythmique Freddie Green, Walter Page et Joe Jones. Easy Living, le pianiste Teddy Wilson, le clarinettiste Buster Bailey et la voix de Billie Holiday le 1er juin 1937 en compagnie de plusieurs membres de l'orchestre de Count Basie, Buck Clayton à la trompette, Lester Young au ténor et puis la section rythmique, Freddie Green, Walter Page et Joe Jones. C'est avec ces musiciens que Billie Holiday va renouer avec l'aventure du grand orchestre. On l'a entendu en début d'émission dans une expérience restée sans lendemain avec Duke Ellington. Par la suite, elle s'est produite avec les grandes formations de Fletcher Henderson et de Jimmy Lunceford, mais avec Count Basie, ce sera une histoire de plus longue haleine, dont il ne reste malheureusement que très peu de témoignages enregistrés. En voici un, il s'agit d'un extrait d'une émission de radio du 30 juin 1937, Swing Brothers Swing. Swing Brothers Swing, l'orchestre de Count Basie en juin 1937 avec Billie Holiday en soliste. C'était un extrait d'une émission de radio. Billie tournera par la suite avec le grand orchestre du clarinettiste Artie Shaw, sans doute moins apprécié des amateurs de jazz et quelque peu oublié aujourd'hui. Et pourtant, le chef fait montre d'un certain savoir-faire en la matière, tout comme son saxophoniste ténor Tony Pastor. Tous deux encadrent l'intervention de Billie Holiday sur ce titre signé par le clarinettiste Any Old Time. Nous sommes le 24 juillet 1938. To chase away the blues, and any old thing you do, I'll see you through. So just remember that I am waiting, dear. If ever you want me, I'll be near. Any old time and any place where you may be. Any Old Time, l'orchestre du clarinettiste Artie Shaw avec Tony Pastor au ténor et Billy Holiday en soliste, c'était en juillet 1938. La semaine prochaine, nous aborderons un nouveau chapitre du parcours de Billy Holiday qui la révélera de manière peut-être plus engagée à partir de 1939. Mais pour refermer cette émission, je vous propose de la retrouver une dernière fois dans son élément en toute confiance avec à ses côtés le ténor de Lester Young. C'est peut-être cette présence chaleureuse qui l'encourage à pousser plus loin encore, la manière dont elle redessine totalement cette mélodie de Vernon Duke et Ira Gershwin, I Can't Get Started. Nous sommes le 15 septembre 1938. I Can't Get Started, Billie Holiday, le 15 septembre 1938. La chanteuse y dialoguait en toute confiance avec le saxophone ténor de Lester Young. Ainsi se referme All That Jazz, 22e épisode. Merci à Léa Racine qui nous a aidé à préparer cette émission et à Christine Amado pour la réalisation. Et soyez swing, soyez bop, soyez cool, soyez free. And all that jazz.